est-ce que le fait d'appartenir à deux organisations ensemble, c'est-à-dire la CEDEAO d'un côté, je devrais même ajouter à ça l'UMOA, et aussi le G5 Sahel, n'autorise pas le président Bazoum de donner son avis sur ce qui se passe au Mali? Pas de cette façon, parce que là, il est pratiquement en train de juger. Il est en train de juger, c'est sentencieux ce qu'il a dit. C'est sentencieux. Et puis derrière, il y a des canaux pour le faire. Vous dites, le chef d'État, chef d'État, ça veut dire que quand... C'est un statut, chef d'État. Je vous dis souvent que si moi je suis président, je ne parlerai plus comme je parle ici. Oui. D'une certaine manière. Tout à fait. Parce que je vais tenir compte de des contraintes liées à mon statut, sans renoncer à une seule virgule de mes convictions. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous êtes président, vous ne parlez pas seulement pour vous, mon cher Bachir. Donc, on ne parle pas comme ça, Bachir. Et c'est d'autant plus grave, pourquoi? Mettez en parallèle les propos de celui que vous appelez président du Niger et la sortie du premier ministre malien, qui dit de manière officielle, il va à l'ONU, Bachir, à l'ONU. Et il dit, on nous abandonne en plein vol. Vous avez vu la réaction des autorités françaises, qui ont bien compris le message. Il revient, il dit, le Mali a des preuves, Bachir, écoutez-moi, le Mali a des preuves que c'est la France qui organise, soutient et protège les terroristes. Bachir, c'est le premier ministre du Mali qui le dit. Mais quand c'est comme ça? Si vous êtes un voisin du Mali et que vous êtes sérieux, et que vous comprenez ce que veut dire être président, mais vous allez voir le premier ministre, le premier ministre de votre pays voisin. Vous l'appelez que, mais mon frère, tu as dit ceci. Les preuves là, tu peux me les faire voir. Peut-être, bon, comme c'est la diplomatie, on va mettre ça en public. Mais est-ce qu'il peut voir ça? Mais si tu as vu ces preuves là, Bachir, un peu de modération. Monsieur Bazoum, voulant le faire croire qu'il aime le Mali plus que Choguel Malaga. Le premier ministre Choguel Malaga. Il peut le faire croire qu'il aime plus malien qu'Assimi Gota. Pour juger du sort de Gao. Parce que ce que le président Assimi Gota pense de Gao, c'est pas ce que lui, Bazoum, est en train de dire. Et entre les deux, qui dit la vérité sur Gao. Mais c'est ça le problème, Bachir. C'est ça, je vous ai dit que ce monsieur ne mérite pas qu'on soit en colère. Parce que être en colère, c'est lui donner de l'importance. Parce que pour moi, il ne mérite même pas cette colère-là. Je vous le demande quand je vous dis que c'est un aventurier. Parce que pour consolider son pouvoir qui lui a été donné par Paris, il est prêt à tout. Il est prêt à tout, Bachir. Il dit, ce serait le chaos. Oui. Mais actuellement, il y a quoi là-bas? Il y a l'ordre là-bas? Mais il précise, bon, je vous dis, Bachir, que les gens de Gao le savent de toute façon. Non. C'est vrai que quand on est dans la forfaiture, on ne s'arrête plus. C'est un imprudence. Dans l'avenir, il dira trouver des choses plus graves que ça. Mon cher, est-ce que ce ne serait pas... Est-ce qu'on ne pourrait pas percevoir ça aussi comme une sorte de menace? J'arrive. On a encore dit oui. C'est-à-dire... D'abord, c'est la France qui parle. Je vais citer toute la phrase pour qu'on soit bien situé. Le jour où les Français plieront bagage à Gao, dans le nord du Mali, ce sera le chaos. Les gens de Gao le savent de toute façon. C'est la France qui parle, Bachir. Par la bouche d'un de ses valets les plus abjects, les plus inconsistants. C'est la France qui parle. Comme elle a parlé à travers la CEDEAO. Tout à l'heure, je vais vous expliquer que le problème de la France, c'est de démontrer à ses partenaires qu'elle a encore, que la gendarmerie n'est pas encore totalement détruite, que je suis encore gendarme, vous avez besoin de moi. Parce que ses partenaires voient. Et chacun dit que non, ok, comme tu n'es plus un bon gendarme, nous on préfère aller voir directement les gens-là. Vous comprenez? Ça, c'est ce que Paris ne veut pas. Parce que Paris, sa vie, la vie de la France a été bâtie sur cette intermédiation. Il est l'intermédiaire entre ses alliés, parlons comme ça, ses collègues au niveau de l'OTAN, mon cher Bachir, au niveau de l'Union Européenne, la France n'existe que parce qu'elle peut leur dire que, monsieur, j'ai l'Afrique. Vous comprenez? Donc, le jour où les partenaires disent que, mais, mouf, quand tu n'as pas mon biocartier chez nous, on dit mouf, hein, Bachir, mouf. Quand on te dit mouf, c'est que, arrête, tu n'es plus, laisse tes histoires là. Laisse ton oui, c'est fini, tu n'es plus ça. Trouve un peu, c'est comme une fille, non, au quartier, Bachir. Il y a une fille, parlons comme ça, amusons-nous un peu, parce que, hein, comme on dit au quartier, tu avais une fille, pendant longtemps tu as régné là-bas. Et puis entre-temps, tu ne vois pas que la fille a un nouveau gars, comme on dit au quartier. Hein. Un nouveau gars. Et quand tu vas voir quelqu'un qui est au courant qu'elle a un nouveau gars, quand tu peux te dire, bon, laisse tomber. Le gars, il est faux, que là, tu brailles là, tu ne rêves plus. Je prends cette image, c'est le cas de la France. Parce que les partenaires, ses amis vont dire que non, laisse ça. Nous, on va aller voir les gars là maintenant. Tu ne pèses plus. Donc, Bachi, il faut donc agiter des épouvantails. C'est important. Il faut agiter des épouvantails. Premier épouvantail, la CEDEAO. CEDEAO. Donc, une réunion de chefs d'État africains. Ils viennent faire le cinéma. La CEDEAO parle. Paris prend les images du président. Vous voyez la CEDEAO. Je contrôle encore. C'est beaucoup de présidents. Voilà. Bon, après la CEDEAO, il faut quelqu'un qui va dire une bêtise. Quelque chose qui n'a pas de sens. Quoi de mieux que de chercher celui, l'esprit fesse, l'esprit pied. Hein? Bachi, oui, c'est Yovari. Oui, tu dis que présent, c'est excessif. L'esprit pied de l'audience pour lui faire dire ce que Paris ne peut pas dire. Il dit, alors il vient dire. Ce n'est pas une menace, Bachi. C'est une menace pour. C'est l'épouvantail. On agit d'épouvantail. La France n'a qu'un moyen d'imposer un chaos dans le sens du chaos, l'appel la France. Parce que le chaos, c'est bien, il dit que ce nous on part, vous allez payer cher au départ. Nous allons faire ce qu'on a fait à Sékou Touré. Parce que Sékou Touré a payé cher notre départ. Nous avons saboté son économie. Nous avons saboté sa monnaie. Nous lui avons fabriqué des opposants. Nous avons organisé plus de 17 coups d'État pour l'assassiner. On lui a rendu la vie impossible et nous avons réussi à retourner son image, qui était celui du libérateur, du grand panafricaniste, en dictateur. On va vous infliger ça, vous les Maliens. C'est pour faire peur à celui de l'État. Et pour faire peur, Bachir. C'est ça, pour faire peur. C'est ça! Le message qu'il y a derrière. Et pourquoi Bazoum ose faire ça? Je vous dis. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enfant. Hein. L'enfant, quand il voit un serpent, il fuit. Il va dans les cuisses de sa mère. Parce que dans la tête de l'enfant, il pense que le serpent ne mord pas maman. Et que la mère va dire, serpent, va-t'en, le serpent va partir. L'enfant ne sait pas que justement, la personne qui peut être mordue, là, c'est la maman. Parce que le serpent mord rarement un enfant. Un serpent normal ne mord pas un enfant, mon cher Bachir. Vous comprenez? Donc, Bazoum, c'est un enfant. C'est un enfant comme... Il croit que, comme la France l'a mis au pouvoir, il pense que la France est trop puissante. Comment? La France l'a mis au pouvoir en un temps record. Je suis président. Comment? Le pays est puissant. Très puissant. Le pays là peut a dit, va écraser le Mali, va écraser la tradition malienne, va écraser les Russes, va écraser vraiment. C'est ce qu'il pense dans sa tête. Et il croit que c'est vrai. Il pense que c'est vrai. Mais c'est cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Il est capable d'analyser une géopolitique. Il est capable de voir l'évolution des choses. Il est incapable de voir ça. C'est là qu'il s'agit. Et il est condamné. Il va faire autrement. Il est condamné. Parce que c'est une malédiction qui pèse sur lui. C'est ça qu'il s'agit. Donc, et c'est le chantage que fait la France, Bachir, à tous les États qui ont eu de piètres dirigeants. C'est-à-dire des dirigeants qui étaient incapables d'être des dirigeants. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'un dirigeant? C'est un dessinateur d'une voie pour son peuple. Un dirigeant, entre autres, c'est un dessinateur de perspectives, Bachir. C'est un producteur, c'est quelqu'un qui offre une perspective à son peuple. Et pour offrir à ton peuple une perspective, il faut être à mesure, Bachir, d'avoir une vision, d'avoir une analyse sérieuse, non seulement de l'existence de ton peuple, mais de son futur possible, mon cher Bachir. Ouais. Vous demandez à Bazoum de faire ça. Lui qui est capable de comprendre ce que veut dire que... lui qui est content du fait que le Niger soit un parc de matières premières pour la France, Bachir. Lui qui est fier... et qui pense que l'avenir du Niger, c'est de continuer à être un parc en matière première pour la France et d'autres pays. Donc, c'est un peu qui viendront par, comme on a vu le pétrole, il est très content parce que le pétrole va donner de l'argent, il est très content. Mais il a oublié que beaucoup d'Africains ont été producteurs de pétrole avant lui. Mm-hmm. Il a oublié ça. Et que le pétrole n'a jamais développé un pays en l'état, mon cher Bachir. Donc, vous voyez l'indigence de c'est, je vais vous dire une chose. Je vous dis une chose. Si un président comme ça me dit que le président malgré je te reçois, je ne pars pas. Vous me comprenez? Oui. Il y a des présidents d'Afrique, ils ouvrent leur porte, je n'y entre pas, Bachir. Parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Vous gagnez quoi un petit comme ça? Écoutez ce qu'il dit. C'est ce qu'il croit. Parce que la France a décidé, Bachir, c'est normal, hein? Oui. C'est normal. Quand Macron a fait son cinéma, que la France va partir du Mali, moi, on a fait des messages pour dire que demain, elle va changer de parole. Et le lendemain, elle a changé de parole. La femme ne peut pas partir, Bachir, mais on va la faire partir. Elle est en train de partir. On va la faire partir, la France. Donc, maintenant, je vais entrer dans le fond. L'analyse géopolitique de fond. Ce que Bazoum représente. Vous comprenez? Pourquoi il parle dans le fond maintenant? Alors, j'ai fini la forme, j'ai fini de décrire le personnage en lui-même, parce que c'était important. Maintenant, quel est le fond? C'est la France qui est derrière. Un, le Niger, c'est une base militaire. Le Niger, aujourd'hui, abrite l'une des bases militaires américaines les plus sophistiquées du continent. Vous le savez, c'est la base, j'ai oublié le nom là, je peux me retrouver, on appelle ça quoi, la base 201. La base 201. Mm-hmm. Oh. Donc, écoutez bien, c'est cette base-là, donc, n'est-ce pas, la France croit, la France se bat auprès des partenaires, n'est-ce pas, pour que, Bachir, j'essaie de le dire, pour qu'il y ait une, que c'est l'OTAN qui entre en guerre contre la Russie dans le Sahel. Le projet français, c'est celui-là, c'est de convaincre l'OTAN d'entrer en guerre, donc l'Occident collectif, d'entrer en guerre contre, n'est-ce pas, la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le dossier éthiopien, quand la France agite en Éthiopie, là, vous voyez RFI, Femme et Matin, me dit soir, faire la promotion des rebelles tigréens. Mm-hmm. Vous comprenez, Bachir, au-delà des enjeux pétroliers, ouais, n'est-ce pas, au-delà, oui, au-delà des enjeux pétroliers, mm-hmm, pétroliers et des enjeux, n'est-ce pas, de matières premières en Éthiopie. Non, c'est que la France est en train de flatter les partenaires américains. Il faut flatter, il faut démontrer aux Américains que je suis avec vous. Même si vous me retirez tous les contrats en Australie, je serai avec vous. Si vous me chassez n'importe où, pardon, ayez pitié avec vous. Pourquoi? Parce que la France croit, la JT de l'Elysée croit qu'elle peut réussir à fédérer dans l'OTAN, dans son dessein sahélien. Mm-hmm. Vous comprenez ça? Oui. Dans son dessein sahélien. C'est la bataille de M. Macron. Est-ce que c'est faisable en l'état actuel des choses? La France croit que c'est faisable. Oui. Et Bazoum croit que la France peut faire ça. Mais c'est ça qui me fait rire. Elle dit, Bazoum croit que la France peut faire ça. Bazoum n'a juste pas analysé d'abord la réalité du pouvoir aux États-Unis. Que Biden est affaibli, c'est un fantôme. Il est d'ici 200 minutes par jour. Bazoum ne voit pas ça. Il ne voit pas même les évolutions intérieures aux États-Unis et qui déterminent le comportement de l'OTAN. Il n'est pas en train de voir ça. Il n'est pas en train de voir le comportement réel des membres de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne. Il pense que la France va dire, va attaquer le doigt et ils vont suivre. Il n'est pas en train de voir que Takuba, hein, c'est la France et quelques Estoniens. Bon, je n'ai rien contre l'Estonie, hein, vraiment, que l'Estonien m'explique. Mais quand tu viens dire que bon, l'Europe c'est l'Estonie, la Chine, hein, bon, je te parle de qui? Et c'est quelques soldats macédoniens. Vous connaissez la Macédoine, non? C'est un pays dans la zone, grec là, parlons comme ça. Hein? Quelques soldats grecs, quelques Suédois, quelques. Bon, la Chine. Oui, d'accord. Oui, ces pays, il faut les respecter, hein, n'est-ce pas? Mais entre nous, on fait une coalition avec ce genre de choses. Dès que la France a parlé à l'Allemagne, par rapport à Takuba, l'Allemagne a dit on ne vient pas. Bazoum ne voit pas ça. Il faut analyser que la France n'arrive pas à mobiliser des partenaires, n'arrive pas à mobiliser sur la question. Pourquoi? Parce que pour les partenaires, elle n'est plus crédible. Hier, ça aurait été hier, ça aurait été tous les partenaires européens s'allaient derrière la France pour entrer en Afrique. Et elle prélevait son tribut dans le commerce. Tout, dès qu'un pays veut vendre une voiture à un pays africain, ça passe par la France. Un pays veut vendre une sardine à un pays africain, ça passe par la France, prélève son quota là-dessus. Un pays européen veut vendre un chapeau, un tissu en Afrique, la France prélève son chapeau, son quota. Il n'y a pas de débat à ce moment-là. La gendarmerie était solide. Vous savez pourquoi? Les Africains ne faisaient pas encore le jeu politique. Aujourd'hui, les Africains font la jeu politique. Grâce au modeste travail qu'on a fait ici. Et grâce à Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu. Vous comprenez, Afrique Média a popularisé la géopolitique, a jeté la géopolitique dans la rue, mon cher Bachir. La géopolitique est dans la rue en Afrique, mon cher Bachir. Et c'était un des objectifs que nous étions fixés quand on commençait ce travail. Alors, donc, Bazoum ne comprend pas tout ça. Bazoum pense que la Terre se réduit à ses petites ambitions personnelles. Et oh, je suis président, ça va. La Terre se réduit à ça, je suis président. Mais combien de présidents sont morts avant lui? Ils sont dans les cimetières. Bachir. C'est un délire, Bachir. Est-ce que la France a les moyens de stabiliser le Mali? Mais ça me fait rire. Alors, quand on dit que ça sera le chaos, Et les habitants du Gao le savent. Voilà. Alors, il faut préciser parce que vous savez que une des choses que la France a faites au Sahel, c'est quoi? C'est que les contestations populaires des riverains d'Areva. Bon, c'est venu Framatome, tout ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça toujours Areva. Le nom qui est donc là, moi, j'appelle ça Areva. Comme j'appelle Total Elf. C'est Elf. Moi, c'est Elf. C'est important pour nous. Parce que quand on dit Elf, ça fait très mal là-bas. Mais quand ils disent Total, c'est qu'ils veulent tourner une page. Mais quand tu dis Elf, la page n'est pas tournée. Donc, c'est Areva. Le Framatome, tous ces machins qu'on a là maintenant, ça ne m'intéresse pas. Alors, mon cher Bachir. Donc, il faut expliquer ça. Parce que c'est un des ressorts de la généralisation du chaos dans ce temps-là, Bachir. Quand les populations riveraines autour d'Areva ont commencé à dénoncer les crimes d'Areva, crimes écologiques, tout ce que vous voulez, l'accaparement des terres, la France a fait bombarder ces gars. Elle est bombardée. Elle est bombardée. Et la France les a transformés en terroristes. Écoutez bien. Donc, quand la France a commencé à les bombarder, la France désignait tous ceux qui s'opposaient à Areva comme étant des terroristes, mon cher Bachir. Comprenez ça. À partir du moment où vous voyez que non, la France, au lieu de lutter contre les vrais terroristes, appelle tous ceux qui sont contre Areva et ses crimes au Niger. Je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations entre 2006-2009 au Niger, la mort de Tanda Mamadou, non, son sélection, son renversement, les assassinats de Barry Manassara, tout ça. Mais on parlait un peu plus loin, il y avait le premier président, comment il s'appelait encore, comment ton nom m'oublie, celui qui a dirigé le Niger après l'indépendance, là. Amani Diori. Voilà, tous sont des victimes de pouvoir. C'était lié à quoi? C'était lié à Areva, Bachir. Donc vous voyez qu'il y a une... Le Niger, la vie du Niger, le Niger respire dans la dialectique respiratoire du Niger, c'est la guerre entre les patriotes nigériens et l'occupation française dont le symbole est Areva. Donc la France. Ça justifie ce que vous avez dit au départ. Mais très bien. Il y a des patriotes. Mais bien sûr, comment je connais, on lit un peu, on s'informe. Donc vous savez, Donc la France a d'abord commencé à transformer tous les patriotes nigériens et tous ceux qui dénonçaient Areva en terroristes. Donc, il faut les tuer. Écoutez bien. Donc, quand la France arrive avec son opération Serval, tout ça Balkan, c'est d'abord, ce que le Kémy a rappelé, c'est d'abord de sécuriser Areva, de sauvegarder le Niger comme étant un parc de matières premières et en particulier l'uranium, qui éclaire la France. Les Français ont la lumière grâce au Niger. Et pendant ce temps, une bonne partie du Niger est dans le noir, mon cher Bachir. Il faut rappeler ça pour monter la cruauté, Bachir. La cruauté française. Donc, et à partir de là, Bachir, comme la France sait très bien que l'uranium d'Areva, vous comprenez, n'a pas d'avenir sans le Mali, parce que l'uranium, là, il y en a au Mali, il y en a au nord du Mali, mon cher Bachir. Il y en a au nord du Mali. Bachir, quoi de mieux, écoutez bien, quoi de mieux, regardez où je pars, quoi de mieux donc que de canaliser, n'est-ce pas, les revendications patriotiques des peuples riverains d'Areva et de noyer ça dans un terrorisme maintenant à Gao. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Si vous n'avez pas ce fil-là, vous ne comprenez pas comment est-ce qu'on a importé, comment on s'est arrangé pour que les anciens terroristes algériens neutralisés aient pour base et repli le nom Mali tranquille. Vous ne comprenez rien à ça, Bachir. Vous ne comprenez pas la dérive de MNLA, qui au départ, Bachir, qui au départ avait des revendications, même contre Areva, qui au départ, comment on l'a transformé, Bachir, vous ne comprenez pas comment Al-Qaïda, soudainement est venu s'implanter dans la zone-là, en changeant de nom, simplement, en trouvant, j'ai oublié ton nom-là, mais c'est Al-Qaïda, mon cher Bachir, c'est Al-Qaïda qui est là, vous ne comprenez pas ça. Donc, il faut expliquer ces choses terre à terre, pour faire une espèce d'anthropologie et de sociologie même, du terrorisme, voilà, et le docteur Sugar Malaga a fait, il connaît, il sait de quoi il parle. Hein. S'il y a un bon connaisseur de ces régions-là, c'est le premier ministre malien. Il n'est pas là par hasard, il connaît très bien. Donc, il faut faire cette trajectoire, il faut bien dessiner cette trajectoire, n'est-ce pas, pour bien comprendre ce que la France est en train de faire là-bas, dans cette région-là. Et pourquoi le président nigérien, Bachir, croit qu'il a des droits, écoutez bien, qu'il a des droits naturels sur le nord Mali. Pas d'aventurier. Donc, mais c'est quand même terrible, Bachir. C'est quand même terrible de voir un individu comme ça qui a dit qu'il croit qu'il peut jouer un rôle. Il a des droits naturels. Chaque fois que la France a fait ça, chaque fois que la France a suscité quelqu'un comme ça, on lui fait croire qu'il peut être un Bismarck de sa sous-région. Un Bismarck. C'est-à-dire qu'il peut être un petit Ouattara de la sous-région. Tous ont fait ça. Ils ont voulu. C'est comme ça qu'ils ont voulu entraîner le président de Maréchal de Bipé à son nom dans une aventure. Le maréchal très malin a compris le jeu et a su retourner sa contrôle en moment donné. Ils l'ont assassiné à la fin. Le maréchal avait compris ça. Mais comme son pays a une base militaire française, il a dit je vais voir, je vais manœuvrer à l'intérieur. Et il a fait, il a réussi. Tu comprends? Kagame. Les Américains ont fait ça, Kagame. Vous voyez pourquoi pour moi, je ne cite jamais le président rwandais comme étant une référence. Parce que pourquoi? C'est un petit Bismarck. Les Américains ont dit que non, tu vas être un petit Bismarck là. Hein? Et puis bon, tu vas détacher une partie de la RDC, ça va t'enrichir. Et tu nous sers. Des gens comme les Mussolini, mon cher Bachir. Des gens comme ça qu'on fabrique comme ça et qui sont fiers de jouer ce jeu. Mobutu l'a fait par le passé. Ça s'est terminé comment? Mobutu, lui, au moins, il avait fait 40 ans. À peu près. pas, mais les Bassinda, ils n'auront plus ces privilèges. Les Kagamela, ils n'auront plus ces privilèges. Parce que tôt ou tard, des patriotes prendront le pouvoir en RDC. Et les gens condamnables vont répondre de leurs actes. Les Mousséveni, là, qui jouent ce rôle-là, répondent de leurs actes. L'histoire bouge, Bachi. Donc, les valets ne font pas l'histoire, Bachi. Les valets. Bachi, excuse-moi, Bazoum veut. A dit, vous voyez, il sait que bon, il ne. Il est conscient qu'il ne pèse pas, il n'est pas consistant. Il veut se donner un rôle là, il veut se donner un rôle. Et Paris a compris ça, Bachi. Paris le récupère donc, lui donne ce rôle là. Donc la France, pour revenir à ce que je disais de fond, la France veut amener l'OTAN dans une guerre contre la Russie. Vous comprenez? Or, l'Amérique a sa lecture du Sahel. Même la base de l'OTAN qui est là, la base, j'appelle ça la base première, 200 ans là, c'est pas la base, c'est pas une base française. Vous comprenez? Mais même pour s'en servir, il faut que la France ait l'accord des États-Unis. Bachi, ce n'est pas donné. Hein? Ce n'est pas donné. Donc, aujourd'hui, le Niger est la base arrière. Le Niger est la base arrière de la réaction internationale contre la dictature panafricaniste qui a cours au Mali. Le Niger est la base arrière. C'est-à-dire, la France s'est repliée au Niger pour dire, OK, voici comment je vais résister. Moi, c'est comment je veux faire pour la guerre au Mali par rapport à ça. Elle n'en a pas les moyens, Bachi. Ce matin, je suis là pour vous dire que la France n'a pas les moyens de son projet. Elle n'a pas les moyens, je vais m'aller même plus loin. Même si le temps rejoignait la France dans ce combat, il n'aura rien. Mais c'est vraiment, la France a envie de dire, si je pars, il y a un chaos. Ça veut dire quoi? On va faire la guerre, votre pays sera ingouvernable, toute la région va s'embraser, ça va être la guerre, si vous voulez qu'on parle. Mais les rêveries de la France ne sont pas la voie de l'histoire. Dans ce livre. La France peut avoir son projet. Vous comprenez? D'ailleurs, elle a fait ça. Si vous trouvez ne pas tomber, ce n'est pas l'histoire. C'est pour ne pas tomber. C'est quoi tenu? Donc, maintenant, les conditions sont encore plus favorables aujourd'hui. Vous comprenez? Et pendant ce temps, mais là aussi, ça me permet d'interpeller le Mali. La transition malienne voit très bien que quand on dit sécurité, c'est une sécurité globale. Elle doit intégrer le Niger, l'État du Niger, Bazoum, comme une menace. Donc quand on parle aujourd'hui du terrorisme à Gao, parce que le président malien doit dire terrorisme, il ne voulait pas entrer dans les guerres diplomatiques inutiles. Quand on dit terrorisme, on intègre la France comme étant un État terroriste, ça c'est déjà fait, mais le Mali comme étant un allié de la France, le Niger, l'État, le président Bazoum, le Niger c'est trop dit, Monsieur Bazoum, comme étant un allié, un sous-terroriste français. Le Mali n'a pas le choix. Et ça, je l'avais déjà dit depuis. Le destin du Mali, je suis désolé, si elle veut être en sécurité, mais elle a oublié de regarder ses voisins. La révolution malienne ne sera pas tranquille tant que il y a des voisins comme Bazoum. Il y a des voisins comme la catastrophe, la calamité qu'il y a en Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Qui a tout fait pour détruire la révolution malienne? Et qui n'a pas renoncé? Cher Bachir. Et d'ailleurs, je veux dire, pour une fois, je veux dire une chose. Les problèmes que vous voyez, pourquoi aujourd'hui on veut neutraliser, pourquoi à tout prix, vous avez dit que bon, en France, M. Guillaume Touré a un mandat d'arrêt maintenant, sans contrôle. Bon, vous savez que ce monsieur, il n'est pas mon ami. Je ne serai jamais son ami, ça ne m'intéresse même pas. Mais je veux simplement donner une illustration. M. Guillaume Touré aussi neutralisé, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la France anticipe les évolutions au Mali. Que demain, on ne sait jamais, ça peut être une base arrière. Vous comprenez? Mais. Bachi, c'est que les gens ne savent pas. Et vous, je vous dis ça en off. Le vrai Dieu, c'est un géopoliticien. Tu l'appelles Allah, dans ta tradition religieuse. Allah, c'est un géopoliticien. Les gens ne savent pas ça. Un grand géopoliticien. Et sa géopolitique, contrairement à ce que les gens pensent, sa géopolitique n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Faites vos plans. Mais Allah a son plan. Souvent il est silencieux. On a l'impression qu'il avait les puissants. Souvent il est seulement silencieux. Il y a un moment il n'est plus silencieux. Il agit. Bachir. Il agit avec le peuple. Il agit avec les dirigeants. Bachir. Il agit. Et il va faire ruser l'histoire. Parce que l'histoire, c'est l'autre nom d'Allah. Il va faire ruser l'histoire, Bachir. L'histoire va entrer dans une ruse qui va retourner terriblement la situation. Aujourd'hui, la calamité qu'il y a en Côte d'Ivoire, il croit qu'il respire un peu. Ah, c'est souvent quand le criminel voit que le crime est gagné, et que les voix, ou bien les yeux, les regards qui lui faisaient, qui faisaient planer des menaces sur son crime sont éteints, c'est là où il est fini, justement. La fin commence, mon cher Machin. C'est pareil pour Benjamin. C'est pareil pour l'État français. C'est pareil pour les États-Unis d'Achille. Regardez en Éthiopie. Regardez ce qu'on fait en Éthiopie d'Achille en plein 19e siècle. Regardez en Éthiopie. La sauvagerie coloniale, d'Achille. La sauvagerie impérialiste. Le crime abject. Regardez en Éthiopie. Regardez en plein jour. On déstabilise un État. Et vous avez un président africain qui pense qu'il n'est pas concerné par l'enjeu éthiopien. Qui pense qu'on peut tuer en Éthiopie. Et il vient vous dire que non, celui qui tue en Éthiopie peut avoir un projet d'annuler le chaos à Gao. La France est parmi les tueurs qui détruisent l'Éthiopie. Il croit que les Français ont un projet sérieux pour le Nord Mali. Les mêmes Français qui ont détruit la Syrie. Bazoum croit, comme il n'est pas syrien, comme il ne connaît pas que les événements, le monde est interconnecté, et que ce qui se passe en Syrie va se passer en Afrique, vice versa. Il croit que les gens là ont un projet pour le Nord Mali. Il croit que les gens qui ont détruit Kadhafi. Eh hey Bachir, et quelqu'un m'a soufflé qu'il était même libyen. On m'a soufflé. Je n'ai pas dit que c'est vrai. En tout cas, je reste sur non. Je considère ça comme un souffle. Oui, je n'ai pas dit que c'est vrai. Je considère ça comme un souffle non. Et c'est. Rassurez-vous. Oui, je n'ai pas dit que c'est vrai. Ouais. Alors, il pense que les gens qui ont mis la Libye à feu et à sang, qui justement ont donc déporté les terroristes au Sahel, parce que le plan était justement, après la Libye, d'arriver au Sahel, mon cher Bachir, il croit que ces gens-là font des sacrifices, n'est-ce pas? Pour le bien de l'Afrique, la Chine. Bazoum, c'est une honte. Afrique Média. Le monde, c'est nous.